46. Perte d'auréole. Eh quoi, vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu? Vous, le buveur de quintessence? Vous, le mangeur d'ambroisie? En vérité, il est là de quoi me surprendre. Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, comme je traversais le boulevard en grande hâte et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un moment brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser. J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose, malheur est bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des actions basses et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici, tout semblable à vous, comme vous voyez. Vous devriez au moins faire afficher cette auréole, ou la faire réclamer par le commissaire. Ma foi, non, je me trouve bien ici. Vous seul, vous m'avez reconnu. D'ailleurs, la dignité m'ennuie. Ensuite, je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance! Et surtout un heureux qui me fera rire. Pensez à X ou à Z, hein? Comme ce sera drôle!